silence. Tes yeux comme de vastes reposoirs, où je plonge ma tendresse assoiffée, où je m'immerge tout entière. Les bruits sombrants dans l'atmosphère, comme une averse de rayons sur la mer. Dans ce parc éblouissant, mon être tout entier frissonne à ton appel. Ce corps ressuscite, qu'éclate les blancheurs. Il faut qu'un renouveau de sève afflue aux sources de mon cœur. Il faut ce corps ressuscite, qu'éclate les blancheurs sous les feux de l'aurore. Il faut qu'un renouveau de sève afflue aux sources de mon cœur. Un jour j'aurai le vin, un jour j'aurai l'amour.